Et nous aurons donc l'occasion de poursuivre sur cette question des Américains avec François Igersam, qui lui est donc professeur honoraire de l'Université de Strasbourg, ancien rédacteur en chef de la Revue d'Alsace et en charge aujourd'hui, toujours pas pour la Revue d'Alsace, mais pour la Fédération du Dictionnaire historique des institutions de l'Alsace, et qui va nous parler donc des officiers des Civil Affairs de la 7e armée américaine, donc à la fin de l'année 1944, pendant la période donc de la libération. Et on le laisse donc s'installer, et je lui confie donc la parole pour 25 minutes. Bien, bravo à Monsieur Petitot pour son exposé et surtout pour avoir rappelé les propos du général excentrique Patton. Ah mon Dieu, que c'est embêtant d'être libéré. Ou encore, si vous n'aviez pas été battu en 40, vous ne seriez pas obligé à revenir. Vous rappelez que le général Patton avait été parmi un des officiers du corps expéditionnaire français, du corps expéditionnaire américain en 1917, y compris en Lorraine, puisque le corps expéditionnaire américain s'était battu surtout en Lorraine. Et avant de commencer mon exposé avec la libération de l'automne et le rôle des officiers civil affairs de la 7e armée américaine, je voudrais adresser mes remerciements au comité régional Grand Est d'avoir accepté ma contribution au colloque de Sedan de 2019 et en particulier au président de la séance de ce jour, qui est la cheville ouvrière de ce comité et qui organise année après année des manifestations convergentes d'histoire de nos régions dans cette grande région Grand Est créée il y a quelques années. Historien de l'Alsace, on l'a rappelé, c'est vrai que nous avons quelquefois l'impression, mais elle est fausse, que nous avons le regard bloqué sur la crête des Vosges, celle de l'autre côté, pas la ligne bleue, celle de l'autre côté, elle est fausse. En tout cas, je remercie de donner l'occasion de traiter d'un sujet qui nous est commun, c'est-à-dire cette libération de 1944 par l'armée américaine. Il n'y a eu pas qu'elle, puisque la première armée a libéré le sud de l'Alsace et puis la Haute-Alsace, avec le concours de l'armée américaine une fois de plus, mais qui assure la cohérence de nos expériences et l'unité de nos expériences dans cette région. Je traite de la 7e armée américaine, je vous le rappelle, Monsieur Petitot confirmait lors d'une conversation que j'ai eue avec lui que la pratique est différente selon qu'il s'agisse de la 3e armée, commandée par le général Patton dont j'ai cité les mots, et le général Patch, qui commande la 7e armée venue de Provence, d'Algérie et de Provence. Alors, je vais lancer mon diaporama. Est-ce que, ou à moins qu'il soit déjà lancé là ? Non, il n'est pas encore. Non, j'y vais. Attendez, j'y vais. Voilà, parfait. Bon, il fait beau aujourd'hui, mais le souvenir qu'on a du temps qu'il faisait en automne 1944 n'est pas celui-ci. C'est les fêtes de soleil des Françaises en robe légère et des résistants en Bermuda ou quasiment, donc des mois de juillet et d'août 1944, en particulier qui accompagne la marche de la 7e armée de Provence jusqu'en Lorraine, quasiment en un mois, 15 jours pour libérer Lyon, et puis un mois pour parvenir devant Épinal et Lunéville, ça c'est terminé. Les images que l'on garde, la libération de la Lorraine, vous voyez, c'est plutôt des images d'automne, d'une rue boueuse que parcourent des soldats. Ça ne va pas leur donner le moral, c'est évident. Pas plus d'ailleurs qu'aux Lorrains qui vont être qui vont être libérés et sous la pluie. Ils vont être contents, c'est évident, on va le voir tout de suite. Mais voilà, la pluie, les camions qui passent dans les rivières débordées et l'Est républicain qui vient de paraître au milieu septembre, après la libération de Nancy, signale qu'il a neigé, qu'il a commencé à neiger à partir du 2 novembre 1944. Et ceci, cette photo qui est prise, disons, ce n'est pas une photo de décembre ou de janvier 1945 dans les Vosges, c'est une photo qui date de novembre 1944. Autrement dit, il a fait froid tout le temps, quasiment. La libération américaine de la Lorraine, c'est donc une campagne rapide. La 3e armée, qui vient, elle, de Normandie, donc, et qui traverse la France après la percée d'Avranches et de Falaise, qui traverse la France à toute allure jusqu'à Verdun. Et la Provence, mi-août pour la 7e armée, et donc à partir de ce moment-là, on est devant la Moselle, on s'arrête et on attend, puisque la pratique de l'armée américaine, c'est de n'avancer que si la logistique suit. Donc, et là, visiblement, tout est épuisé, il faut attendre d'autant plus que les Allemands résistent de l'autre côté de la Moselle. Alors, les stabilités, ce qui fait que le rôle de la division spéciale que les Américains, d'état-major, que les Américains, les Anglo-Américains, mais les Anglais ont suivi, les Anglo-Américains ont mis en place, c'est-à-dire la division Civil Affairs va avoir du travail dans la relation avec la population civile. En 1942-43, les alliés anglo-américains décident de confier la partie relation avec les administrations et avec la population civile, à un corps d'officiers spécialement formés. Et donc, il s'agit des officiers civil affairs. Alors, vous allez avoir, dans les états-majors, une division spéciale qui s'appelle G5, une nouvelle division, G5, qui va s'occuper d'organiser pour le commandement les relations avec les civils en appliquant une série d'instructions d'après leurs livres d'instructions. Donc, et dans les différentes localités libérées, des town detachments pour les chefs-lieux, il s'agit surtout des chefs-lieux d'arrondissement. Et ils vont être aidés de missions militaires françaises qui les accompagnent dès le débarquement, même s'il y a eu un moment une petite rupture à partir du débarquement, à partir d'un coup de colère diplomatique du général de Gaulle, interdisant aux officiers des missions militaires d'accompagner le débarquement, coup de colère levé au bout de 2 ou 3 jours. Donc, les officiers militaires des liaisons administratives sont les intermédiaires entre le commandement militaire allié, donc américain dans l'occurrence, et les autorités françaises locales. Voici le schéma d'un théâtre d'opération tel qu'il est proposé par le Field Manual 100 des opérations. Voilà le schéma ici. C'est la réglementation et le compartimentage du terrain est le même dans l'armée française pratiquement, sauf qu'il y a d'autres noms. Il va y avoir le théâtre d'opération devant et derrière la zone de l'arrière. Excusez-moi. On est trahi par la mécanique. Voilà, donc ici vous avez la ligne de front. Auprès de la ligne de front, vous avez accompagnant chaque division un officier de liaison, un officier civil affairs, et dans chaque localité libérée, un town detachment, un détachement urbain, et derrière, évidemment, vous avez d'autres services de civil affairs. Alors, je vous donne la géographie locale. Vous avez un détachement à Lunéville, du 15e corps d'armée, un détachement à Vittel, du 6e groupe d'armée américaine, un détachement, ou plusieurs détachements d'ailleurs à Épinal, qui est le quartier général de la 7e armée, et au fur et à mesure que l'on descend dans l'échelle d'approvisionnement de l'armée américaine, un détachement à Vesoul et à Dijon, qui sont les grands lieux de rassemblement de la logistique américaine, enfin des détachements à Marseille et à Lyon. L'armée américaine, plus que l'armée française, qui les appelle souvent autrement d'ailleurs, plus que l'armée française, a une profusion d'officiers de liaison. Quand l'armée américaine fait une commande, il faut quasiment envoyer un officier pour vérifier que la commande va être exécutée. Bon, donc c'est chaque fois une profusion d'officiers de liaison. Alors, dans les camps de détachement, ce sont des officiers spécialistes chargés de la gestion, on va voir au fur et à mesure, la gestion des réfugiés, la gestion des cantonnements, la gestion du ravitaillement, etc. Ces officiers sont des spécialistes, la gestion des finances. Ces officiers sont spécialistes, sont mis en place dans les localités à la demande des officiers du front line, donc ici, qui font appel à eux parce qu'ils en ont besoin. Et au fur et à mesure que l'on descend, vous avez plusieurs autres détachements des civils affaires. Ah, décidément. Parce qu'il y a une animation en cours. Hein ? Allez-y, il y avait une animation qui était en cours. Elle était bloquée, pourquoi ? Voilà. Alors, je vais commencer à parler de... Il s'en va, là. Voilà. Je vais évoquer le rôle des officiers civils d'affaires à travers deux exemples. Celui de Lunéville, chef-lieu d'arrondissement, où vous aurez un détachement civil d'affaires. En fait, il y en aura un deuxième parce qu'ils ont un peu de monde et c'est statique, on n'avance plus. Les détachements tactiques des deux divisions qui ont libéré Lunéville. Donc, là, en fait, c'est une autre division, la 4e division d'infanterie blindée américaine, mais c'est la 79e division, celle qui va libérer Strasbourg, et la 79e et chef-lieu d'arrondissement. Et le deuxième exemple, c'est Épinal, qui est chef-lieu de la 7e armée américaine. Lunéville est libéré par l'aile droite de la 3e armée, qui comprend la 79e division dont je viens de parler et la 2e DB française, et qui arrive donc sur... La 2e DB française va se mettre en position vers Baccara et la 79e division va occuper Lunéville et se mettre en position devant la forêt de Paroi où le combat continue. Le combat va continuer jusque quasiment le 13 novembre où toute la ligne américaine va bouger pour l'offensive générale sur l'Allemagne. Donc, Lunéville est libéré par ces deux divisions. Et à ce moment-là, le haut commandement, donc le chef, le quartier général suprême du corps expéditionnaire, décide que ces deux divisions, la 2e DB et la 79e, le 15e corps d'armée, va passer à la 7e armée de manière à étoffer un peu cette 7e armée pour équilibrer un peu le statut qui a été donné à la première armée, l'armée B, la première armée française, devenue première armée, équilibrée un peu. Donc, vous avez une armée américaine à deux corps d'armée et une armée française à deux corps d'armée. Bon, la ligne américaine occupant tout jusqu'à au sud des Vosges, l'armée française occupant donc des Vosges à la Suisse. Bon, libération d'une ville occupée. Alors, libération d'abord. Faut bien se rendre compte de ça. Il s'agit d'une ville qui a été 4 ans, d'une sous-préfecture, qui a été 4 années en zone interdite. Après, nos départements ont été en zone interdite. Enfin, les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ont été annexés. Bon, c'est autre chose. Donc, 4 années de zone interdite. L'armée allemande l'a occupée pendant 4 années, avec 5 casernes, des dépôts, une gare dont le chef de gare est allemand et où il y a des cheminots allemands. Une Feldkommandantur, il y a assez peu d'administration civile chez eux, une Feldkommandantur, donc une gendarmerie allemande, 2 Soldatenheime, donc des foyers du soldat, qui ont des permissions, qui circulent dans la ville. Bon. Comme d'habitude, le cantonnement des officiers se fait à l'hôtel, il y a des administrations allemandes, il y a un centre payeur allemand qui pille, et qui a versé des sous dans les banques lunévilloises ou dans une banque lunévilloise, et puis qui retire ses sous juste avant de partir. Il pille les sous en disant qu'ils se feront payer par une banque bordelaise. C'est évidemment faux. Bon. Et évidemment, Madame François vient d'en parler, un centre Ostland, pas loin, avec les ouvriers agricoles polonais. Les Américains n'ont cité que les Polonais. Ils ne savaient d'abord pas quoi faire, les ouvriers polonais. Et les récoltes qui viennent d'avoir lieu. Alors, à qui appartiennent les récoltes de cet Ostland? Bon, au bout d'un moment, les Américains vont dire, bon, on vous le laisse, on vous les laisse. Mais il y a un conflit là autour de ça. Et pour bien s'imaginer ce que c'est, un grand drapeau à croix d'amée sur le Soldatenheim des Bosquets, à Lunéville. C'est dire, ce grand drapeau à croix gammée qui est cité par l'École lunévilloise, un petit journal qui va paraître pendant 5 jours, enfin 5 numéros plus exactement, résume tout ce que c'est l'occupation de cette ville de l'Est de la Lorraine. La bataille de Lunéville se déroule du 14 au 24 septembre. Les Américains viennent au bord de Lunéville, repartent, puis reviennent, et pendant ce temps-là, il y a des tirs, dedans il y a des miliciens qui tirent un peu sur des passants. Bon, la libération définitive, c'est le 22 septembre, vous voyez, il y a encore des combats d'arrière-garde le 24. Lunéville, c'est ceci, en 1939, donc c'est à peu près la même chose, vous avez quatre casernes, vous avez ici la sous-préfecture, vous avez ici Lorraine-Dietrich, donc qui est la grande usine, qui est alors occupée par l'armée américaine. Je vais expliquer pourquoi. D'abord, les soldats vont dans les casernes. S'ils sont dans un état possible, les Allemands partent des casernes, mais ils ne les laissent pas tels que vous voudriez les voir quand vous y entrez. Donc, sinon, ils vont volontiers... D'abord, ils sont très nombreux. Ils sont plus nombreux que les Allemands qu'ils remplacent. Et donc, ils vont souvent dans des usines, ils vont souvent dans des écoles, parce qu'on peut sécuriser le périmètre et on peut, disons, installer leur cantine, leur boulangerie, etc. Bon, donc, et on peut surtout les sécuriser. Ce qui fait que l'usine est fermée. De toute façon, elle serait fermée parce qu'elle n'a ni charbon, ni matière première, ni surtout client. Mais elle est fermée. Elle est fermée et les ouvriers, ils restent à la maison où ils sont payés. Par des accords de chômage. Les civils affaires rentrent tout de suite en contact avec les autorités françaises. Nous avons un nouveau maire, c'est M. Banzet. En fait, c'est une délégation spéciale qui se met en place. Il est membre du comité départemental de libération, et donc il se met en place tout de suite. Le sous-préfet de Vichy reste en place pendant quelques jours. Il sait bien l'anglais, donc il assure, disons, d'abord l'huile dans les rouages, et puis le tuilage, et puis finalement il sera muté pour un ancien combattant, un ancien préfet de Vichy aussi. Enfin bon, il vient de briller, donc ça va. Donc on le met en place à Lunéville. Il sera d'ailleurs ultérieurement le conseiller général RPF de Lunéville. Donc lui aussi officier de réserve. Les civils affaires sont en rapport avec les offices des évacués, avec le ravitaillement, avec les services techniques de la ville. Tous ces offices ont de bons rapports avec les autorités américaines. Donc, et le commandement, le général Hayslip, s'installe. Et là, c'est une photo qui est prise évidemment devant le château de Lunéville, où il a installé son quartier général. Ici, il est entouré de ces deux commandants de la 72e division. Hayslip est un type intéressant, c'est pas du tout Patton. Hein. C'est un francophile. Il a de très bons rapports avec le général Leclerc. C'est lui qui va dire à Leclerc foncez pour Strasbourg. Il lui avait déjà dit d'ailleurs pour Paris. Mais bon, donc Hayslip, il a fait un an de stage à l'école de guerre en 1929-1930. D'autre part, c'est un ancien combattant du corps expéditionnaire américain de 1917. Donc c'est un contraste avec Patton. Bon. L'école lunévilloise, c'est une feuille qui a cessé de paraître parce que les Allemands l'ont supprimée en juin 43. L'école lunévilloise apparaît le premier jour. Alors vous voyez tout de suite, honneur aux alliés, vive la France. Bon. Et ici, il y a quelque chose d'intéressant. Les anciens ont éprouvé une émotion profonde en revoyant après 25 années ces grands garçons calmes, silencieux et sympathiques. Honneur à nos libérateurs, vive les Alliés, vive la Lorraine, vive la France. Bon, voilà, donc, reparution, et tout de suite, la réaction qui s'impose, c'est-à-dire, on est content d'être libéré. Bon. Un petit détail que je me suis posé, et dont j'ai reçu la réponse, les élections présidentielles américaines ont lieu à ce moment-là, en novembre 1944, et le président Roosevelt va être réélu. Et les soldats américains ont voté. Donc, ils ont voté sur les listes électorales de leur État, mais ils ont voté. Donc, ils ont eu un minimum de débats, au moins. Et parmi ces débats, c'est la question que je me posais également avec M. Petitot, ils ont probablement parlé aussi de ce qu'on allait faire de l'Allemagne quand on la vaincrait et quand on la réoccuperait. Et probablement que le débat sur la non-fraternisation qui a été lancé à ce moment-là, d'ailleurs, à la demande du président Roosevelt, il n'est pas question de fraterniser avec les Allemands, eux, on ne les libère pas, on les vainc. Bon, donc il est probable que ceci va jouer dans les relations qu'ils auront avec les Mosellans, mais aussi avec les Alsaciens, les soldats américains. Bon. Alors, le Bureau américain des affaires civiles, voilà, le bureau... Ah, excusez-moi, c'est un scénario qui m'a échappé. voilà, bon. Non, ça va passer. Oui. Voilà. Bon, donc, le Bureau américain des affaires civiles, c'est le premier communiqué que mettent en place ces officiers des affaires civiles, donc, qui dit simplement, nous sommes là, si vous avez besoin de nous, vous pouvez vous adresser à nous, mais s'il vous plaît, allez plutôt voir votre mère, nous, on aura trop de choses à faire. Et d'autre part, ici, vous voyez, les Américains veulent gagner la guerre, aidons-les, ne gênons pas le trafic routier, ça c'est quelque chose de très important, la circulation. Le général Patton, recité, disait « Les officiers d'affaires civiles, c'est fait pour libérer nos routes, pour que mes tanks puissent passer. » Voilà. Bon, donc, c'est une de leurs préoccupations principales. Alors, les embarras de la guerre. Mais je ne suis pas très content du titre, parce que j'ai vu un titre qui était mieux dans le prospectus, dans le flyer du colloque, c'était les contraintes de la guerre. Enfin, les embarras de la guerre, ça veut dire aussi. C'est que ça veut dire que ça embête les gens qui sont... Hein. Bon, c'est les cantonnements. Bon, je crois qu'on a parlé toute la journée de quelque chose, un trait commun des rapports entre les civils et les militaires, c'est les cantonnements. On a parlé des casernes à Nancy, on a parlé des cantonnements partout. Je laisse tomber. Donc là, la règle, c'est la même pour les Français comme pour les Anglais que pour les Américains. C'est on occupe les édifices publics, on réquisitionne, en général, on régularise la réquisition après. J'ai trouvé dans les archives de Lunéville la plainte, disons, de la mairie de Lunéville de 1939 en disant que l'armée française ne régularisait pas ou pas assez. Bon. Donc, on fait un bon de réquisition ici à payer plus tard, ou l'on paye tout de suite. Alors, les Américains ont souvent payé tout de suite. Et à vrai dire, il est probable que les réquisitionnés qui se faisaient payer tout de suite préféraient ça que d'attendre après la guerre que la France paye. Donc, un cas particulier, l'usine de Dietrich, on a cité aussi, la 79e division d'infanterie a occupé d'abord l'usine de Dietrich, et puis évidemment, ces troupes qui sont sur camion, sur wheels, contrairement à l'armée de 14-18, c'est désormais une armée motorisée, une armée qui roule. On n'imagine pas de faire deux pas dans l'armée américaine. Quand on prend une ville, vous avez bien vu. Mais ils ont besoin d'outillage. Ils ont besoin d'outillage et probablement aussi de bagnoles pour leur temps libre. Diable, bon. Donc, je passe aux usines de Dietrich. Deuxièmement, les embarras de la guerre. Les circulations civiles. Vous vous rappelez le partage du territoire et les réglementations qui s'appliquent. Ici, chaque unité qui occupe un compartiment de la front line a son laissez-passer. Et une grande partie du temps des officiers civils affaires, c'est de négocier les uns avec les autres pour mettre au point les laissez-passer. On ne peut pas passer parallèlement, latéralement, sans laisser-passer de l'unité qui occupe. On ne peut pas aller en arrière sans laisser-passer de l'unité, passer de la division au corps d'armée. Les circulations sont interdites sauf, et d'autant plus que la plupart des routes sont réservées militaires, les bords des routes sont marqués par des damiers ou par des as de pique ou des choses comme ça, et là, les civils sont interdits dessus, sinon ils sont ramassés et screened, triés par la police militaire. Dans les localités, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus de courrier, il n'y a plus de bus, il n'y a plus de train, puisque le compartiment entier de la zone de combat est bouclé. On ne peut pas passer à l'arrière. Et il faudra attendre le mois de fin de janvier 1945 pour que l'ouest de la Lorraine, disons, de l'ouest de la Moselle, on puisse de nouveau aller dans les autres départements français. Même les autorités françaises, donc les préfets, commissaires de la République, tout ce qu'on veut, sont obligés de donner un laissez-passer à Nancy, parce que la Micheline ne va que jusqu'à Nancy, la Micheline Paris-Strasbourg, enfin Paris-Strasbourg, oui, au bout d'un moment Paris-Strasbourg, mais elle s'arrête à Nancy, laissez-passer. Elle s'arrête à Sarrebourg, deuxième laissez-passer. Et là, chaque fois, il y a les officiers de liaison qui les accompagnent pour aller. Les consignes sont drastiques. Et d'autre part, l'ensemble de ces territoires est patrouillé en permanence. Patrouillé en permanence, pourquoi? On a peur, question de sécurité, on a peur des infiltrés, et surtout des jetbergs allemands, ou miliciens, qui sont de plus en plus nombreux. Alors, le front line est souvent évacué sur ordre de l'armée. Les Allemands font de même, mais surtout eux, ils les déportent, ils les amènent vers l'Allemagne. Et évacuer, les Américains, quand ils évacuent, ils vont évacuer les villages devant Lunéville, quand ils évacuent, ils envoient vers l'arrière, et ils essaient d'envoyer, alors je vais mettre ici le régime des réfugiés, j'aurai pas le temps de faire beaucoup plus. Donc, première règle, vous restez sur place. En cas d'opération, en cas de bataille, vous restez sur place. Première règle, stand fast. Deuxième règle, refuge de proximité, on vous amène à pied pendant 2 ou 3 kilomètres, ou un peu plus peut-être, 2 ou 3 kilomètres, et là, des camions américains vous emmènent plus loin derrière, et ça, théoriquement, c'est les autorités françaises qui vous prennent en charge et vous amènent plus loin. Ici, vous avez vu Bruyères, Baccarat, Chigny-Ménil, Rambervillers. Bon. Les devoirs des civils à faire, d'abord, c'est le ravitaillement. Le ravitaillement, puisque tout est bouclé, et d'autre part, que les services du ravitaillement général, puis depuis le début de la guerre, où il y a rationnement, assurent le ravitaillement des localités. Donc, puisque tout est bouclé, et que le ravitaillement général dit « Excusez-moi, nous n'avons plus d'essence, et nos camions ont des pneus tellement lisses que nous ne pouvons pas circuler. » Ce qui va être vrai, pendant les chutes de neige énormes, les camions français ne pourront plus circuler, leurs pneus ne leur permettant pas. Bon, donc, les officiers civils à faire doivent s'assurer du stock de nourriture encore disponible et de combler les pénuries par leurs camions. Alors, ici, je vais mettre tout de suite les camions. C'est extrêmement important. Est-ce que j'ai passé? Oui, je peux au fait me passer de... Donc, les civils affaires, après avoir hésité, le commandement américain a décidé qu'il laisserait des camions spéciaux particuliers pour les officiers civils, les sections civiles affaires. Donc, le ravitaillement général 20e région, c'est-à-dire Nancy, dispose de 200 camions en tout pour assurer le ravitaillement de la ville. Les civils affaires disposent de 64 camions pour assurer le ravitaillement dans la zone de la 7e armée. Bon, et des camions qui sont pas toujours entretenus, il y a environ 20% des camions civils d'affaires qui tombent en panne comme les autres, et dont il faut chercher les pièces à Marseille, et souvent envoyer des gens pour chercher les pièces. Bon, donc, c'est vous dire que les civils d'affaires ont une disponibilité en wheels, en roues, qui est infiniment supérieure à celle dont dispose l'administration civile française avec laquelle elle travaille. Donc, les civils d'affaires assurent le ravitaillement au départ, lorsqu'ils occupent une localité, et d'autre part, à long terme, dans la zone de la 7e armée, ils vont assurer la couverture des pénuries, lait en poudre pour les enfants, sucre, farine, essentiellement, et puis ensuite, évidemment, le pétrole, ça c'est un autre chapitre, le pétrole et les carburants, le bois et le charbon. Bon, Une des ressources que les civils d'affaires et l'armée américaine en général va avoir, c'est la prise des énormes stocks constitués, enfin énormes, des stocks constitués par les Allemands et qui leur sont tombés dans les mains. Ça a commencé avec des stocks énormes autour de Paris, et puis maintenant, donc, après avoir là aussi négocié avec les autorités françaises, dans les accords de débarquement, vous avez un résumé dans le papier, après avoir négocié, le principe est le suivant, les Américains prennent ce dont ils ont besoin pour leur armée, et puis tout le reste va au civil affaires pour l'administration civile française. Ce qui donne lieu à une mission générale pour les civils affaires, c'est donc savoir où en est la population. Y a-t-il assez de monnaie pour les administrations, les commerces, les entreprises? Quelles sont les pénuries majeures que nous devons couvrir? Enfin, je termine sur un point. Malheureusement, je n'aurai pas le temps de terminer sur les accords de débarquement, mais vous le verrez le résumé. C'est le fait que les Américains venaient avec les unités de transport. Excusez-moi. Les soldats américains étaient payés en francs français. Ils étaient extrêmement bien payés. Extrêmement bien, vous connaissez la maxime anglaise, overpaid, overstaffed, oversexed, ils étaient extrêmement bien payés. À tel point que l'armée américaine a pris la décision de ne leur donner que la moitié de leur paye, l'autre moitié était mise de côté en dollars pour envoyer à leur famille aux États-Unis. Enfin bon, les types qui vont se faire trouver la peau à l'âge de 20 ans se disent « qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, des dollars ?» Que j'envoie là-bas, mes parents, ils ont de quoi se nourrir. Moi, je veux avoir mon argent tout de suite, avant, etc. Bon. La plupart des films de guerre américains montrent les soldats qui jouent et qui manient des billets de dollars en masse. En fait, ils ne sont pas payés en dollars en France, ils sont payés en francs, souvent en francs supplémentaires, la fameuse querelle du franc supplémentaire avec le général de Gaulle, mais comme on s'est mis d'accord au bout d'un moment, et le franc supplémentaire continuera d'être en circulation quasiment jusqu'à la fin des opérations en France. Bon. Les Américains payent beaucoup de choses en francs, en particulier l'intendance américaine paye, et pour ça, ils ont des besoins énormes de monnaie en liquide, et donc chaque fois qu'ils arrivent dans une ville, il faut qu'ils trouvent une banque pour y mettre leur argent, pour être à l'abri des hold-up qui viendraient de leur propre armée, essentiellement. D'abord, disons. Voilà. Donc, le change américain, 49 francs le dollar, avantage beaucoup l'économie française. Les Américains se sont mis d'accord en Algérie déjà sur ce change-là pour ne pas trop peser sur l'économie française, mais il est vrai qu'il y a un marché noir, et au marché noir, le dollar vaut 200 francs français. C'est ce qui veut dire le marché noir est une règle assez commune de l'économie française. À ceci s'ajoute désormais le marché noir en dollars. Voilà. Ce qui explique aussi un peu tous les comportements un peu délinquants qui accompagnent inévitablement, je dirais, une armée. Mais je crois que je vais m'arrêter là, et s'il y a des questions, j'y répondrai.